On a pensé qu'il devait exister trois sortes de punitions pour les diverses fautes que commettent les hommes. La première qu'on nomme blâme, ou punition, ou leçon, s'emploie quand on corrige, qu'on châtie celui qui a failli par imprudence, pour le rendre soit à l'avenir plus attentif à son devoir et plus soigneux de le remplir. La seconde, nommée châtiment, par ceux qui se sont appliqués à faire cette distinction avec le plus de soin, a pour but de protéger la dignité et l'autorité de l'homme offensé, de peur que l'impunité n'expose au mépris le citoyen qui a reçu une injure et ne porte atteinte à son honneur. La troisième, que les Grecs appellent paradigma, exemple, est celle que commande la nécessité de faire un exemple qui puisse empêcher, par la crainte d'un châtiment connu, le retour de faute qu'il est de l'intérêt de la société de prévenir. C'est pourquoi nos ancêtres, désignés par exempla, exemple, les châtiments les plus sévères et les plus rigoureux. Mais a-t-on l'espoir que le coupable se corrige sans être châtié, sans avoir besoin de punition? Craint-on au contraire qu'il ne puisse ni se corriger ni s'amender? N'a-t-on rien à craindre pour l'honneur de celui qui a été offensé? La faute n'est-elle pas de celles qui rendent nécessaire l'application d'un châtiment rigoureux? Alors, il n'y a point de motif suffisant pour infliger une peine. Presque tous les philosophes, en plusieurs endroits de leurs écrits, et parmi eux, Taurus, mon maître, dans le premier de ses commentaires sur le Gorgias de Platon, ont admis ces trois manières de punir. Mais Platon déclare ouvertement qu'il n'en admet que deux. La première, celle qu'on emploie pour corriger, et la troisième, celle qui a pour but d'intimider par l'exemple.